Bonjour et bienvenue à CNX.zip, l'émission qui compresse toutes les chroniques technologiques diffusées dans Rassemblage Requis. Aujourd'hui, on compresse la semaine du 5 octobre avec Utilitruc, le fil et robot. Tout à l'heure, la chronique de mardi, Utilitruc, mais avant ça, en musique, voici Intracore par Swampy Boy et Core Contacts. C'est une très bonne pièce qui inclut plusieurs extraits du film Sin City. Donc voici Intracore par Swampy Boy et Core Contacts. Vous êtes à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio, sur Cifou 89 FM. Ceux qui savent pas CNX, là, ça veut dire connexion. S'il fait d'hiver comme ça que les gens savent peut-être pas avec le temps, tiens, connexion. Aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, on parle de trucs utiles, de choses qui vont vous simplifier la vie. Key One, toi qui as besoin d'avoir une vie